Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Edmond Husserl est né en 1859 dans ce qui deviendra la République tchèque. Comment ce fils de commerçant de vêtements, dont l'intérêt pour les études est d'abord distant, qui se passionne d'abord pour la science et pas pour la philosophie, deviendra-t-il le père fondateur d'une méthode philosophique sans précédent aux multiples disciples contemporains ? La phénoménologie, le nom a des airs de mystère ou de réalité venue d'une autre planète, alors qu'elle n'a qu'un seul but, retourner aux choses elles-mêmes. Mais comment revenir au monde ? Et surtout, pourquoi et comment en sommes-nous partis ? Je pense que la première idée que tous les disciples de Husserl ont retenue est qu'il importe de rechercher, de saisir, d'élaborer le sens spécifique des univers intelligibles créés par l'homme dans les sociétés à travers l'histoire. Car Husserl parle aussi d'essence extratemporelle que l'intention met à jour. Space, the final frontier. Les concepts logiques, en tant qu'on leur attribue la valeur d'unité de pensée, doivent tirer leur origine de l'intuition. Ils doivent provenir, par abstraction idéatrice, de certains vécus. Que peut signifier son affirmation dans le monde absurde ? Bonjour Julien Farge. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première émission consacrée à Husserl. Vous êtes chercheur CNRS aux archives Husserl à l'École normale supérieure de Paris, spécialiste donc de Husserl. Vous avez surtout publié des articles et des traductions. Et c'est avec vous que nous ouvrons cette semaine consacrée au père de la phénoménologie. Vous avez entendu la voix de Raymond Aron qui parlait de Husserl, Jacques Pradel qui lisait le mythe de Sisyphe de Camus qui parle de Husserl. C'est dire combien sa postérité était encore présente à ce moment-là et l'est encore aujourd'hui. Pourtant, alors est-ce qu'on peut commencer par ça ? Husserl est quand même difficile à lire. Oui, tout à fait. Il n'est pas d'une lecture facile. Ça lui a été reproché assez souvent. Il en avait d'ailleurs lui-même une certaine conscience. Une fierté ou pas ? Non, pas vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui était obsédé par la clarté des idées, la distinction dans leur formulation, la précision des analyses. Vous avez fait allusion tout à l'heure à sa formation de scientifique. Je pense qu'elle se voit et elle se joue encore une fois qu'il s'est en quelque sorte totalement voué à la philosophie. Cette exigence scientifique d'une clarté dans la définition des concepts, dans la définition des méthodes, dans la justification des pas, des moments, des étapes par lesquelles on doit passer, était pour lui donc quelque chose d'absolument essentiel. Et donc s'il lui arrivait d'être obscur et de s'en rendre compte, je pense que c'est quelque chose dont il souffrait. D'autant que cette obscurité n'était pas seulement celle de la locale, en quelque sorte, de telle ou telle description, mais c'était aussi une difficulté qu'il avait à dire tout ce qu'il avait à dire. Il lui arrive de trouver une manière d'exposer, en quelque sorte, qui lui permette de dire dans un ordre accessible la totalité de ce qu'il avait à dire. Il était en un sens trop submergé par le détail des analyses locales qui toutes s'appelaient les unes les autres et qui fait, en quelque sorte, pour... Vous connaissez cette image qui fait que quand on tire le fil d'une analyse, en quelque sorte, la totalité des autres arrive en même temps et produit donc des difficultés d'exposition. Et j'ajouterais même une chose qui est que c'est un penseur pour lequel la tâche de la pensée était toujours en quelque sorte au présent, était toujours à reprendre, à recommencer, il était prêt à recommencer. Et donc, à ses propres yeux, sa philosophie était tout sauf un édifice achevé, terminé, qu'on aurait pu exposer une fois pour toutes. Et donc à la difficulté des analyses ou des expositions locales se joint en plus l'inconfort, si je puis dire, de n'être jamais en situation de présenter sa pensée sous une forme définitive, achevée et monobloc, en quelque sorte. Autant de défis qu'on va essayer de relever ensemble ce matin, car nous allons essayer d'être le plus clair possible, peut-être des mises au point de vocabulaire pour comprendre ce que dit Husserl. Il y a plusieurs termes qu'on va employer ce matin et qu'on va essayer de définir, celui de phénoménologie bien sûr, celui de réduction, c'est la méthode qu'emploie Husserl pour parvenir à ses fins, d'époquer, alors en plus le terme n'est pas français, donc on va essayer de le définir. Je vous propose, pour commencer à définir ces termes-là, de répondre à la question que j'ai posée au début. Le but de la philosophie pour Husserl et de la phénoménologie, c'est de revenir au monde. Pourquoi en sommes-nous partis et comment y revenir? Alors, c'est une question essentielle. Husserl disait à la fin de sa vie qu'il n'avait fait qu'une seule chose finalement, c'était de s'enquérir du monde. Et d'une certaine manière, il y a deux problèmes. Le monde, soit on en est parti parce qu'en réalité on ne le voit plus, mais ce n'est plus exactement parce qu'on en est parti, c'est parce qu'il est trop, en quelque sorte, devant nous. Nous sommes trop près de lui, nous sommes trop dans le monde. Nous sommes captivés, en quelque sorte, par le monde. Et c'est une image qui fonctionne bien, parce que être captivé par le monde, c'est ne tourner ses regards que vers lui, ne s'envisager soi-même que dans l'horizon du monde, mais être captivé, c'est aussi être captif, d'une certaine manière, et être tellement absorbé par ce monde que, d'une certaine manière, nous ne faisons plus attention à lui. Donc c'est une première raison, vous voyez, de revenir au monde, c'est-à-dire de nous libérer de cette captivité, de ce caractère captivant du monde, le regarder enfin pour lui-même, plutôt que d'être sans arrêt en train d'évoluer, j'allais dire, en son sein, sans le regarder. Une deuxième manière de revenir au monde pourrait être la suivante. Si le monde est en quelque sorte ce dans quoi, ou l'élément dans lequel, ou le cadre dans lequel toute notre expérience et toute notre vie se déroule sans que nous y fassions particulièrement attention, il se trouve que la science, les sciences, et en particulier les sciences physiques, la physique moderne, la science physique de la nature, prétend nous parler du monde en construisant, en développant, en élaborant ce qu'elle appelle une nature physico-mathématique. Et cette nature, nous avons tendance, je pense que c'est un thème sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, cette nature, nous avons pris l'habitude de la tenir elle-même pour le monde. Et en ce sens, nous prenons la nature dont nous parlent les physiciens pour le monde lui-même, et il y a peut-être un effort philosophique à faire pour reprendre en vue le monde lui-même, sans le confondre avec cette nature, tout en comprenant bien que cette nature n'est évidemment pas sans rapport avec le monde qu'elle nous masque, en quelque sorte, ou auquel elle vient se superposer. Il y a plus dans l'idée de monde que ce que la science peut nous en dire. La vraie question, c'est de savoir si la science nous parle ou non du monde. Et d'une certaine manière, une des illusions, si je puis dire, dont Husserl prétend nous libérer, ou dont il pense que c'est la tâche de la philosophie que de nous en libérer, c'est l'illusion scientiste d'après laquelle le discours ultime sur le monde serait tenu par la science. Bien entendu, la science s'occupe du monde, la science élabore des connaissances sur le monde, mais elle le fait en présupposant, et c'est le vocabulaire qu'emploie Husserl, en présupposant qu'il y a un monde à expliquer, qu'il y a un monde à explorer, qu'il y a des secteurs du monde susceptibles d'être étudiés selon des méthodes scientifiques. Et en réalité, c'est cet « il y a du monde » qui forme le point de départ, en quelque sorte, de la science, que Husserl, lui, se propose de rejoindre, si vous voulez, c'est-à-dire de prendre comme objet d'enquête. Donc il s'oppose, ce faisant, à une conception du monde et de la philosophie qui vient de Galilée et de Descartes, en clair. Oui, notamment, il s'oppose, en fait, on peut employer des termes un peu généraux, il s'oppose à ce qu'on peut appeler le positivisme, au sens très large du terme, c'est-à-dire de cette thèse selon laquelle toute connaissance est connaissance ultimement de faits qui ont lieu dans le monde. Et ce positivisme oublie, si vous voulez, d'explorer ou d'enquêter ou d'interroger ce fait premier, ce préjugé universel, comme dit Husserl, cet « il y a du monde » qui précède tous les faits et qui est le support, finalement, de tous les faits. On peut dire également que Husserl s'oppose donc au scientisme, c'est-à-dire à cette thèse selon laquelle la science pourrait tenir un discours ultime sur le monde. Il faut plutôt compléter ce discours de la science à propos du monde sur le sol du monde par un discours sur le monde, et c'est là que les choses deviennent difficiles, vous en conviendrez, un discours à propos du monde qui ne présuppose pas le sol du monde. Comment parler en quelque sorte du monde sans s'installer, si je puis dire, au cœur du monde? C'est là tout l'enjeu et toute la difficulté de la phénoménologie telle que Husserl la déploie, notamment dans les années 20 et dans les années 30. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce geste-là, philosophiquement parlant. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans la mesure où il s'agit de bousculer des habitudes intellectuelles qui ne sont pas mauvaises, qui sont simplement celles qui sont requises et qui sont entretenues par la vie pratique, par notre vie tout simplement. Il y a cette idée, oui, que l'attitude philosophique, d'une certaine manière, est révolutionnaire eu égard à ce qu'il appelle l'attitude naturelle. Ne serait-ce que parce que d'ailleurs l'attitude naturelle, celle de la vie de tous les jours, celle qui est la nôtre dans notre vie quotidienne pratique, ne sait même pas qu'elle est naturelle et encore moins qu'elle est une attitude. Et d'une certaine manière, la philosophie consiste à renverser cette évidence première. Oui, quelque chose de révolutionnaire et quelque chose que Husserl, d'ailleurs, il lui arrivait de revendiquer ce caractère révolutionnaire de sa pensée de façon un peu polémique dans certains écrits qui n'étaient d'ailleurs pas toujours destinés à la publication, où il opposait ce caractère révolutionnaire de sa propre pensée à ce qui se présentait alors comme philosophie révolutionnaire et qui était plutôt tournée vers des considérations existentielles et qui avait en quelque sorte plus le vent en poupe à l'époque. Ce qui peut surprendre, car au moment où Husserl écrit, donc je le rappelle, il est né en 1859, il assiste donc non seulement à la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, à la montée du nazisme. Mmh. Et il peut être étonnant d'essayer de, alors non pas d'opposer, mais de distinguer l'approche scientifique de l'approche philosophique. Quand le nazisme et donc l'importance de la politique arrive sur le devant de la scène, voici une lettre qu'il écrit à son ami Dietrich Mannke le 4 mai 1933, donc l'année est déterminante de la montée du nazisme. C'est un contexte particulier, vous allez entendre quelques sons d'un autodafé qui a lieu une semaine avant qu'il écrive cette lettre. Et puis la lettre, ce contexte est très important pour comprendre la pensée d'Husserl. Le 10 mai 1933. Voici la radio allemande. Nous nous trouvons sur la place de l'Opéra, unter den Linden, à Berlin. Dans le cadre de l'action de lutte contre l'esprit non-allemand, un groupement d'étudiants allemands s'applique à jeter sur un énorme bûcher tous les écrits et les livres de l'immoralité. Je suis contraint de vivre dans mon grand âge ce que je n'aurais jamais cru possible. Cette réapparition en force d'un ghetto spirituel dans lequel je dois être précipité en compagnie de mes vraiment respectables, vraiment nobles enfants. Du fait d'une loi étatique censée durer et valoir pour toujours, nous n'aurons plus le droit de nous appeler allemands. Nos œuvres spirituelles ne devront plus être comptées comme relevant de l'histoire spirituelle allemande. On ne doit continuer à vivre qu'avec la flétrissure de ce qui est juif, car d'après toutes les déclarations de la nouvelle volonté étatique, telle doit être la flétrissure de ce qui est méprisable, comme un poison dont l'esprit allemand doit se protéger et qui doit être extirpé. J'ai eu beaucoup d'épreuves lourdes à surmonter dans ma longue, peut-être trop longue vie. Paroles enflammées des étudiants. Livrer au feu tout ce qui n'est pas allemand, contre la lutte des classes et le matérialisme, pour l'unité du peuple et l'honneur idéaliste. Je livre au feu les écrits de Karl Marx. Mais ce que m'infligèrent les derniers mois et les dernières semaines, cela atteignit les racines les plus profondes de mon existence. Une fois déjà, la politique m'avait plongé dans une dangereuse crise personnelle. La guerre et les expériences qui ébranlèrent mon optimisme trop humaniste et altruiste, tout cela m'a mis à bas pour des années, tant sur le plan de la santé que de la philosophie. Il me fallut en effet des années pour comprendre l'horizon universel de ma méthode et pouvoir la développer plus avant avec fruit. À présent, cependant, ce ne sont plus des années qu'il me reste. C'est en quelques semaines, ou du moins en quelques mois, au lieu d'années, que je dois venir à bout de ceci. Me retrouver dans cet isolement vis-à-vis de mon peuple allemand qui, dans son incommensurable majorité, m'a exclu, rejeté. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et nous parlons du phénomène Husserl cette semaine, aujourd'hui en compagnie du philosophe Julien Farge. 1933, c'est la date à laquelle est écrite cette lettre. En 1933, Husserl est radié du corps de l'université de Fribourg, alors que Heidegger va être nommé le recteur de cette université. Et c'est cette mise à l'écart qui va inspirer des conférences prononcées plus tard par Husserl en 1935, qui donneront lieu à la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Difficile de croire, même si la volonté d'un retour au monde est exprimée avant la montée du nazisme, Julien Farge, qu'il n'y a aucun lien entre ce dont Husserl est le spectateur dans son pays à ce moment-là et son sentiment d'une perte du monde avec lequel il veut à tout prix renouer. Oui, c'est possible effectivement de lier les choses ainsi et de voir une liaison entre cette exigence philosophique d'un retour au monde ou d'une manière de rendre compte du monde dans lequel nous baignons couramment, de réapprendre en quelque sorte ce que c'est que ce monde qui est trop connu en un sens, et d'un autre côté le constat amer de la montée du nazisme avec toutes les vexations auxquelles Husserl est personnellement exposé. Une chose qui me paraît très importante dans cette affaire et pour la liaison entre ces deux thèmes que vous proposez à l'instant, c'est cette idée que pour Husserl, le nazisme est d'abord une forme exacerbée de nationalisme et à ce titre quelque chose comme un retour d'une attitude mythique ou mythologique. Il y a une espèce de mythe de la nation, de mythe de la pureté de la race, une attitude mythique relativement à ce qui est allemand, au récit de l'Allemagne éternelle, etc. Et pourquoi je souligne ce point, c'est parce que Husserl insiste notamment dans la fameuse conférence de Vienne de 1935 à laquelle vous venez de faire allusion. Mmh. Il explique que l'attitude théorique dont sont issus comme un même fruit et la science et la philosophie à l'époque des Grecs, cette attitude théorique consiste en une rupture avec l'attitude mythologique et avec la clôture en quelque sorte spatiale, temporelle, raciale, nationale de l'attitude mythologique et de la tradition en quelque sorte nationaliste. La tradition close du discours nationaliste. Et donc, en un sens, à travers la montée du nazisme, ce que Husserl voit revenir, c'est en quelque sorte tout ce contre quoi l'attitude théorique, l'attitude scientifique s'était originellement dressée chez les Grecs. Tout ce contre quoi, en quelque sorte, la science moderne depuis la Renaissance et à travers l'époque des Lumières s'était à nouveau élevée et qui fait un retour, en quelque sorte, violent sous ses yeux. Et pourtant, la science est brandie aussi par le nazisme. Et pourtant, la science est brandie par le nazisme, mais selon un usage que Husserl critiquera. Je crois qu'une des manières les plus, une des façons les plus explicites et les plus claires qu'il a eu de critiquer cet usage de la science, c'était par exemple de dénoncer les interprétations biologisantes des réalités spirituelles. Mm-hmm. Il y a cette fameuse phrase, bon, très célèbre, dans la conférence de Vienne qu'il donne donc en 1935, qui dit. Il ne peut pas y avoir par principe de zoologie des peuples. Alors, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais qui en fait est une thèse philosophique conséquente, qui d'abord se dresse contre toutes les interprétations en fait de la vie des peuples et des réalités sociopolitiques en termes biologiques. En fait, ce que Husserl a en tête, c'est notamment les considérations du type de celle de Spengler sur le déclin de l'Occident, qui en quelque sorte appliquait des schèmes biologiques de type croissance, maturité, sénescence, dégénérescence, santé, maladie, qui appliquaient ces catégories biologiques à la notion de peuple hein, et aux réalités culturelles et politiques. Et pour Husserl, il y a là un contresens, tout simplement parce que un peuple n'est pas une réalité naturelle, c'est ce qu'il appelle une réalité spirituelle, c'est-à-dire que c'est d'abord une unité culturelle, dont l'être n'est pas en quelque sorte constatable simplement dans l'espace et dans le temps comme une chose. C'est essentiellement une unité de transmission, une unité d'appartenance, une unité de référence culturelle qui se déploie dans l'histoire avec des références communes. Et cette réalité-là, si vous voulez, ne peut pas par principe être appréhendée à travers des concepts biologiques. Plaquer des concepts biologiques sur des réalités spirituelles, c'est commettre d'une certaine manière un contresens et on voit comment un certain mésusage de la science peut être ici diagnostiqué et comment Husserl prétend, à travers son geste qui peut paraître très théorique, de fondation des sciences ou de distinction des différents domaines légitimes et des différentes méthodes légitimes des différentes sciences, il peut malgré tout se donner les moyens théoriques de lutter contre un mésusage, en l'occurrence nazi, ou une exploitation, disons, fallacieuse de certains résultats scientifiques. Entrons de plein pied dans la méthode husserlienne. C'est Lévinas qui va nous y aider dans cette archive du 4 mai 1957. Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui a été l'élève de Husserl de 1928 à 1929 et qui prend l'image d'un canif pour qualifier la méthode de Husserl. C'était à Strasbourg pendant son voyage. Après le dîner, Husserl racontait, c'était en 1929. Il a raconté une anecdote de son enfance, de sa jeunesse. On lui avait acheté, quand il était enfant, un canif. Il avait trouvé que ce canif ne coupait pas assez bien. Il l'a donc aiguisé. Et après, il avait essayé, il a trouvé encore que le canif ne coupait pas assez bien. Et peu à peu, en repassant le canif tout entier a disparu. Est-ce le symbole d'une méthodologie qui a été excessive? Est-ce le danger de toute pensée qui est une entreprise dangereuse, car elle se dévore? Alors de quoi le canif est-il le symbole dans cet extrait, Julien Farge? Du monde ou de la méthode? Je dirais plutôt de la méthode. C'est la première interprétation, d'ailleurs celle que donne ici Lévinas, en la renvoyant à la pratique de la philosophie elle-même. Aiguiser ce canif jusqu'à ce que la lame disparaisse, qui est un geste en un sens absurde. Enfin, le but n'était pas de faire disparaître la lame, mais aiguiser le canif, c'est évidemment l'image, me semble-t-il, enfin, l'image la plus évidente, c'est celle du philosophe Husserl aiguisant ses concepts descriptifs, parce que je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. La phénoménologie est pour lui une entreprise descriptive et elle accomplit sa tâche lorsqu'elle rend compte descriptivement de la manière la plus fidèle et la plus rigoureuse qui soit de ce qui se donne à vivre dans nos expériences les plus courantes. Alors vous l'avez prononcé, phénoménologie, le discours, la science du phénomène, c'est comme ça qu'il faut le comprendre étymologiquement? Oui, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, en insistant tantôt, si on veut, pour expliquer ce terme, soit sur la première partie, phénoménologie, donc de quel phénomène s'agit-il, soit sur la logie, c'est-à-dire de quel type de pratique théorique s'agit-il en ce qui concerne ces phénomènes. Il invente le terme? Non, alors il n'invente pas le terme. Le terme a une histoire qui est bien connue, qui commence par qu'on découvre chez un philosophe allemand qui s'appelle Lambert. Bon, Kant le reprend dans un de ses ouvrages. Hegel est l'auteur d'une phénoménologie de l'esprit, ouvrage dans lequel le terme de phénoménologie reçoit un sens tout à fait défini, qui n'est pas celui que retient Husserl. D'une certaine manière, Husserl reprend un terme qui le précède, mais en lui donnant un sens renouvelé. Je pense qu'une des meilleures manières d'entrer dans ce programme, c'est de revenir sur cet élément de descriptivité que je viens d'évoquer. Il s'agit pour Husserl de décrire et non pas de construire. Il s'agit en quelque sorte de rendre compte de ce que nous vivons plutôt que d'échafauder ou d'élaborer des constructions théoriques, conceptuelles ou systématiques. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est que s'agit-il de décrire? Et évidemment, ici tombe une formule bien célèbre qui est devenue, comme vous le savez peut-être, la maxime, la devise de tout le mouvement phénoménologique, le fameux retour aux choses mêmes. Husserl dit, nous voulons, nous phénoménologues, revenir aux choses mêmes. Donc comprendre ce que c'est que la phénoménologie pour Husserl, c'est comprendre ce que signifie cette maxime, retour aux choses mêmes. Et ici, des contresens nous guettent malheureusement, parce que les choses mêmes, ce ne sont pas les choses qui sont autour de nous, ce que nous appelons les choses dans notre expérience courante. Revenir aux choses mêmes, c'est plutôt revenir à ce qui, à cette expérience, aux différentes formes de notre expérience, dans lequel se joue, se constitue, se construit, s'élabore notre rapport aux choses, notre rapport au monde. Donc les choses elles-mêmes, c'est en fait le rapport que j'entretiens avec ces choses. Exactement. C'est un rapport. Les choses mêmes, alors c'est un rapport, c'est-à-dire que les choses mêmes ne sont donc pas les choses, c'est plutôt, pour être précis, les choses mêmes, c'est ce que Husserl appelle les vécus. C'est-à-dire, en gros, toutes mes expériences, toutes les formes fondamentales d'expérience dans lesquelles se noue mon rapport à ce que j'appelle les choses, les autres, le monde, les théories, les objets, les nombres, les œuvres d'art. Bref, tout ce que nous appelons du terme générique chose, en quelque sorte, eh bien nous entrons en rapport, ou en quelque sorte elles prennent ces choses, leur consistance propre pour nous, dans une expérience que nous avons avec elles, dans le rapport d'expérience que nous avons avec elles, et ces phénomènes que la phénoménologie veut décrire, ce sont les vécus dans lesquels, à travers lesquels, dans l'espace desquels, moyennant lesquels, en quelque sorte, apparaissent pour nous ce que nous appelons les choses, les objets du monde, le monde lui-même, comme nous en parlerons tout à l'heure. Mais quelle différence avec l'importance que Kant accorde à l'expérience pour la constitution de la connaissance, par exemple ? Alors, si ce n'est que pour Kant, on n'avait jamais accès aux choses elles-mêmes, ça c'est très important. Oui, alors on y revient. C'est pour ça que vous avez raison, derrière le terme de phénoménologie, il ne faut pas entendre la validation de la différence kantienne entre phénomène et chose en soi, mais plutôt justement son annulation. Les phénomènes dont nous entreprenons la description, ce sont les vécus grâce auxquels ou à travers lesquels nous sommes en relation avec les choses mêmes. Voilà, le phénomène, c'est pas ce à quoi nous avons accès, sachant qu'il y a certaines choses auxquelles nous n'avons pas accès. Le phénomène, c'est le rapport que j'entretiens avec la chose elle-même. Exactement, exactement. Et en un sens, il faut donc comprendre que le mot phénomène ici doit être pris au son sens d'apparition et non pas en son sens d'apparence. C'est une ambiguïté bien connue, mais qui ici joue à plein. C'est-à-dire que tel ou tel objet, que telle ou telle chose, que telle ou telle réalité du monde m'apparaisse dans une expérience, m'apparaissent au sein d'un vécu, ne veut pas dire qu'elles m'apparaissent de manière tronquée, partielle, falsifiée. Au contraire, c'est la chose elle-même dont j'ai l'expérience, c'est la chose elle-même avec laquelle j'entre en rapport, et c'est ce rapport qu'il s'agit de décrire. Voilà. Donc, on voit que derrière la formule « retour aux choses mêmes », il y a tout de suite quelque chose d'un peu plus complexe, c'est le retour au vécu. Et ces vécus sont des vécus qui sont rapport aux choses, et c'est un point que je voudrais souligner, oui, parce que Husserl utilise ici un terme tout à fait essentiel pour désigner ce rapport, il parle d'intentionnalité. Nos vécus sont intentionnels, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un rapport à l'objet, et c'est précisément parce que nos vécus sont intentionnels, parce que notre conscience est, de part en part, rapport à un objet. On dit notre conscience est toujours conscience de quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est la formule. Toute conscience, dit Husserl, est conscience de quelque chose. Et cette formule définit ce qu'il appelle l'intentionnalité de la conscience, ou plutôt nous donne les moyens de définir la conscience par l'intentionnalité, c'est-à-dire par le rapport à l'objet. Et en vertu de cette conception de la conscience comme rapport à l'objet, décrire des vécus de conscience, ce sera décrire les modalités de nos rapports aux objets, ou décrire ce que sont les objets pour nous, ce qu'est notre rapport au monde, ce qu'est le monde pour nous, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire les choses ainsi, que pour Husserl, il s'agit de dépasser l'opposition entre d'un côté un sujet qui veut connaître et de l'autre un monde connu, et d'essayer d'envisager la relation entre soi et le monde sous un autre prisme que celui de la connaissance logique? Alors, je serais d'accord avec la première partie de votre proposition. Les choses ne se distinguent pas entre sujet connaissant et monde connu de l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que cette intentionnalité dont nous venons de parler, c'est-à-dire cette propriété pour nos vécus de se rapporter à des objets, d'être rapport à l'objet, la propriété de la conscience d'être conscience de, a pour conséquence de faire sauter, en quelque sorte, la question et de dissoudre littéralement la question traditionnelle, si je puis dire, de l'accès à des objets. Mmh. Il n'y a pas, en quelque sorte, moi d'un côté, ma conscience, et de l'autre, des objets qui seraient là et dont j'aurais à me demander comment je peux bien y accéder. D'une certaine manière, avoir conscience, c'est entrer en rapport, viser ces objets-là. Husserl dit parfois que, finalement, cette conception de la conscience à partir de la notion d'intentionnalité, revient en fait à se débarrasser d'une conception de la conscience comme une boîte, dit-il, dans laquelle viendraient en quelque sorte tomber les objets. Avoir conscience de quelque chose, ce n'est pas remplir en quelque sorte un vide par un objet, ce n'est pas avoir un objet qui me tombe dans la tête. Avoir conscience de quelque chose, c'est me rapporter à quelque chose, c'est viser un objet sur un certain mode. Chaque mode différent de conscience est une manière différente d'envisager, de viser, de me rapporter à un objet. Donc on a une conception dynamique, ouais, de la conscience comme appréhension et orientation vers l'objet. On va essayer de prendre des exemples pour bien comprendre ce dont il s'agit, Julien Farge. Et c'est normal que l'auditeur se sente un peu perdu parce que c'est très compliqué quand même ce qu'on est en train de dire et que c'est, comment dire, ça demande beaucoup, beaucoup de médiation. Je vous propose qu'on en prenne une. Un exemple que prend Husserl, alors une seule fois dans sa vie, on va pas en faire un cas général, c'est vraiment un cas particulier. Dans une lettre à Hugo von Hofmannsthal du 12 janvier 1907, il prend l'exemple de l'artiste qui, dit-il, observe le monde pour parvenir, à partir de celui-ci et pour ses fins propres d'artiste, à une connaissance de la nature et de l'homme, qui se comporte à l'égard du monde comme se comporte le phénoménologue. Donc, non pas en chercheur naturaliste et en psychologue qui procède par observation, non pas en observateur pratique de l'homme, comme s'il visait à s'informer sur la nature et sur l'homme, tandis qu'il le considère, le monde devient pour lui un phénomène, son existence lui est indifférente, tout comme elle est indifférente au philosophe, et c'est exactement ce que semble dire l'artiste René Magritte. En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible, à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie. Aidez-nous à comprendre, Julien Farge, ce que souhaite Husserl, ce qu'il appelle de ses voeux lorsqu'il dit qu'il faut décrire le monde pour accéder aux choses elles-mêmes. Faut-il l'entendre, eh bien, comme une volonté d'employer la même méthode que la méthode artistique, par exemple, qui consiste à reproduire devant soi, sur une toile, ce que l'on a devant les yeux, comme une méthode, disons, poétique ou littéraire, qui consiste vraiment à décrire le monde, et dans ce cas, à quoi sert la philosophie si ça n'est que pure description? Est-ce que le geste philosophique serait redondant avec le geste artistique? Bon, c'est vrai que cette lettre à Hofmannsthal est intéressante, parce qu'en fait, Husserl saisit l'occasion qui lui est donnée, par le fait que son correspondant est un écrivain, pour mettre en perspective la méthode qu'il est en train d'élaborer. On est en 1907, au moment où lui-même se donne les outils qui seront finalement ceux de la phénoménologie parvenue à sa maturité. Donc il écrit cette lettre au moment où il se donne ses outils, et il profite de l'occasion qu'elle lui fournit donc pour faire une analogie, ou pour proposer une analogie entre l'attitude esthétique et l'attitude philosophique. Conscient d'ailleurs des limites de cette analogie, il ne la développe pas beaucoup, mais disons qu'il la précise sur un point qui est tout à fait essentiel et qui peut être une manière pédagogique de comprendre ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, cet article de méthode fondamentale que Husserl nomme la réduction ou l'époquée. En réalité, ici, Husserl souligne que l'artiste, dans sa contemplation du monde, en quelque sorte, est désengagé du monde. Il le contemple d'autant mieux qu'il, en quelque sorte, s'en distancie. Il est indifférent, exactement. C'est-à-dire qu'il s'est rendu, parce que c'est une attitude qui n'est pas naturelle, c'est par là qu'on avait commencé. Naturellement, nous sommes captivés. L'artiste se rend, en quelque sorte, indifférent à ce monde pour mieux le contempler. Et Husserl, dans cette lettre, a l'air de dire que plus l'attitude est libérée de cette captivité du monde, plus elle est esthétiquement pure. Et bien, d'une certaine manière, il fait l'analogie, il fait le parallèle avec l'attitude philosophique qui doit, en quelque sorte, se donner par une méthode particulière les moyens de décrire le monde, c'est-à-dire en s'en dégageant, en rompant, en quelque sorte, cette appartenance, en suspendant cette participation qui est la nôtre, cette captivité qui est la nôtre dont je parlais tout à l'heure, par un geste méthodique que Husserl appelle suspension époquée. Vous faisiez tout à l'heure allusion à ce terme, qui est un terme grec que Husserl reprend à la tradition stoïcienne, et qui veut dire suspension du jugement. Il s'agit pour lui, en quelque sorte, pour se donner les moyens, en quelque sorte, de rendre compte de ce monde qui est à la fois ce qui est le plus proche de nous dans l'expérience courante, et en même temps ce qui est le moins connu, puisque tout se passe pour nous sur fond de monde, en quelque sorte, c'est l'arrière-plan que nous n'apercevons jamais pour lui-même. Eh bien, pour se donner les moyens d'apercevoir l'arrière-plan pour lui-même, il faut en quelque sorte commencer par prendre de la distance, ou suspendre, ou se rendre indifférent à la question de son existence. Je ne nie donc pas ce monde comme si j'étais sophiste, je ne mets pas son existence en doute comme si j'étais sceptique, mais j'opère l'époké phénoménologique qui m'interdit absolument tout jugement portant sur l'existence spatio-temporelle. Voilà la définition de l'époké par Husserl qu'on trouve dans ses idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure, écrit en 1913. L'époké, c'est donc cette manière de suspendre tout jugement sur ce qui est. C'est ça. C'est une manière donc de... C'est un artifice méthodique, puisqu'encore une fois, spontanément nous adhérons, spontanément nous validons, spontanément nous avons, comme dit Husserl parfois, une attitude existentielle qui, en quelque sorte, pose de l'être ou s'engage dans un réalisme. En fait, nous sommes spontanément réalistes, c'est-à-dire spontanément et naturellement. Le monde est vécu comme étant, comme existant. Nous ne doutons pas que le monde existe. Et nous ne doutons jamais que le monde existe. C'est d'ailleurs l'attitude philosophique par excellence. Et heureusement, sinon nos projets pratiques et notre vie courante ne seraient pas réellement possibles. L'époké philosophique, l'époké phénoménologique est ce geste en quelque sorte non naturel qui consiste à suspendre cette adhésion. Alors Husserl a toute une série de métaphores à travers lesquelles il essaye de faire comprendre à ses lecteurs de quoi il s'agit. Il dit parfois mise hors circuit, mise entre parenthèses de l'existence du monde, absence de validation, suspension du jugement, non-participation. Mais quelle différence avec Descartes ? Alors, je vais douter de l'existence de tout, y compris de celle du monde. Alors, vous avez raison, c'est un point très intéressant qui peut permettre de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. D'une certaine manière, vous l'avez évoqué dans le texte que vous avez lu à l'instant, Husserl dit « Je ne mets pas le monde en doute comme si j'étais sceptique ». On aurait presque pu dire « Je ne mets pas le monde en doute comme si j'étais Descartes ». Pourquoi ? Parce que l'argument est le suivant. Descartes doute de l'existence du monde, mais Husserl fait remarquer que douter, c'est encore un acte positionnel, c'est-à-dire, je m'explique, douter, c'est encore poser comme douteux. Autrement dit, douter de l'existence du monde, c'est affirmer que le monde est douteux. C'est donc encore une thèse qui porte sur l'être du monde. Alors Husserl ne veut plus rien affirmer. Non, il ne veut plus rien affirmer, pas même que le monde est douteux, ce qui serait encore une manière de statuer. Comment on tient cette position ? Alors on la tient tout simplement en faisant la différence entre poser que le monde est douteux ou bien poser que le monde n'existe pas, ce qui sont encore des attitudes positionnel, et puis ce qu'il appelle pour sa part neutraliser. Et c'est là le concept clé. Pour lui, la réduction ou la suspension, hein, qu'il appelle époké, est une procédure de neutralisation, c'est-à-dire je me mets à distance de toute thèse, y compris d'une thèse qui déclarerait que le monde est douteux. Il s'agit de neutraliser toute thèse et non pas de s'engager dans l'affirmation que le monde est douteux ou dans l'affirmation que le monde n'existe pas ou que voilà ou quelle que soit l'affirmation en question. Et donc c'est très important parce que cette neutralisation, vous voyez, n'est pas en quelque sorte un régime positionnel. Je n'affirme plus rien sur l'être du monde, je me mets en quelque sorte en situation de pouvoir le décrire en dehors de tout engagement, que ce soit en faveur de son existence ou en faveur de son caractère douteux. Alors écoutons Husserl lui-même décrire cette méthode, l'époké, dans la lettre, toujours la même lettre à Hugo von Hofmannsthal du 12 janvier 1907. Écoutez les mots qu'il emploie pour définir ce qu'est l'époké, puis vous nous direz ensuite, Julien Farge, en quelle mesure est-ce que ce qu'il décrit est en fait réalisable ou est-ce que c'est pas une attitude philosophique qu'il paraît très difficile d'atteindre. Aussitôt que le sphinx de la connaissance a posé sa question, aussitôt que nous avons porté le regard sur le problème abyssal de la possibilité d'une connaissance qui, tout en ne s'accomplissant que dans des vécus subjectifs, saisit néanmoins une objectivité étant en soi, notre position à l'égard de toute science et de toute prétendue réalité est devenue radicalement autre. Tout est problème, tout est inintelligibilité, tout est énigme. L'énigme ne peut être résolue que si nous nous plaçons sur son terrain et traitons toute connaissance précisément comme problématique et par là n'acceptons aucune existence comme prédonnée. Ainsi, toute science et toute réalité devient un simple phénomène. Reste alors l'unique tâche suivante, mettre au clair dans un pur voir qui jamais ni nulle part n'excède les simples phénomènes le sens qui leur est immanent. Et heureusement, Husserl nous le rappelle, hein, cet état de suspension du jugement n'est que provisoire. C'est pas une fin en soi, hein, sinon on serait pas loin de ce qu'on pourrait appeler le complotisme aujourd'hui. Julien Farge, oui, il y a une résolution possible de l'énigme. Alors, il y a une résolution possible de l'énigme, mais il n'est pas sûr que l'attitude soit provisoire. En réalité, c'est peut-être même d'ailleurs une différence entre le doute cartésien et la suspension et l'époké husserlienne. Je m'explique. Le doute chez Descartes, c'est très net, est une mesure qu'on prend, une mesure méthodique qui a sa radicalité, son caractère révolutionnaire et antinaturel, pour ainsi dire, dans le but d'être suspendu. Le doute est un moment méthodique qui, en quelque sorte, n'a pas sa fin en lui-même. Et les choses sont un petit peu différentes en ce qui concerne la réduction, parce que vous voyez, si ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que... Réduction, époqué, c'est synonyme ? Oui, alors, oui, on pourrait revenir, si vous voulez, là-dessus, je les prends. On peut dire que la réduction est une démarche méthodique globale, dont je pourrais préciser dans un instant, si vous voulez, le sens, mais que la première étape de cette réduction, c'est l'époqué. C'est-à-dire que la première manière de pratiquer ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique, c'est de commencer par suspendre l'adhésion ou la thèse naturelle de l'existence du monde et se placer dans cet état, en quelque sorte, où on neutralise notre engagement spontané et naturel en faveur de l'existence du monde. Je disais que... Vous compariez avec Descartes. Voilà, que cette réduction ou que cette époqué, il n'est pas sûr qu'elle soit temporaire et qu'elle puisse être temporaire s'il est vrai que elle a pour effet de nous révéler que ce que nous prenions pour quelque chose de parfaitement naturel et spontané était en fait une thèse, en fait que dans notre attitude naturelle ou que dans notre rapport naturel avec les choses était cachée une thèse en faveur de l'existence. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut considérer les choses de la manière suivante. Il y a une espèce de naïveté constitutive de l'attitude naturelle qui pense naïvement que les choses sont, qu'elles sont là, et que cet être-là des choses est quelque chose qui va de soi. Et la réduction phénoménologique par le biais de l'époque a pour effet, en quelque sorte, de briser cette naïveté. Nous ne pouvons plus naïvement considérer que le monde est. Nous pouvons découvrir que derrière cette phrase « le monde est », il y a tout un tissu d'expériences qui doivent être décrites par le phénoménologue pour comprendre tout ce qui est en jeu dans cette simple affirmation « le monde est ». Et pour comprendre que c'est tout sauf une évidence, ou que derrière cette évidence qui semble aller de soi, il y a toute une complexité philosophique et phénoménologique à mettre en évidence. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'une fois que vous avez quitté la naïveté, comme vous le savez, il n'est plus possible de redevenir naïf. Donc si la réduction... Enfin, faire le projet de redevenir naïf, c'est contradictoire d'une certaine manière. Et donc si la réduction a pour effet de briser ou de faire apparaître ce qui nous semblait spontané, ce qui nous semblait aller de soi, comme étant quelque chose de déjà philosophiquement complexe ou contenant une thèse qui mérite d'être interrogée, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne l'avions jamais aperçu, cette complexité-là. Et donc, en un sens, c'est une méthode, c'est un artifice méthodique, mais qui a un effet, si je puis dire, permanent. Une fois que la réduction a été faite, elle a été faite une fois pour toutes. Vous ne pouvez plus revenir dans l'état, en quelque sorte, où de naïveté d'après lequel le monde serait accepté comme étant là, comme allant de soi. Mais ça veut dire que Husserl a une grande méfiance à l'égard de ce que vous appelez l'attitude naturelle, pas simplement à l'égard des sciences et du discours que la science produit sur le monde. S'il faut à tout prix s'éloigner de ce que vous appelez la naïveté par rapport au monde pour accéder au monde tel qu'il est, ça veut dire qu'il juge vraiment comme étant du côté de l'ignorance ou de l'erreur notre attitude naturelle et que seule la philosophie ou une médiation intellectuelle peut enfin nous apprendre le vrai sens des choses. Je pense que ce qu'il veut, c'est pas tant se méfier que de nous faire comprendre à quel point ce que nous prenons pour ce que nous traitons comme allant de soi ne va pas de soi. C'est donc plutôt la découverte, en un sens, il rejoint la fameuse formule, vous savez, de Hegel, ce qui est bien connu par cela même qu'il est bien connu est mal connu. Et d'une certaine manière, ce que nous connaissons le plus mal, c'est ce que nous prenons pour comme ce qui va de soi, et en l'occurrence, l'être du monde. Il y a derrière la simple certitude spontanée que le monde est, en quelque sorte, déjà une multiplicité de problèmes ou de médiations à faire apparaître. Donc c'est pas tant qu'il s'en méfie, c'est qu'il veut montrer la richesse, en quelque sorte, d'expérience, la richesse de vécu, la complexité de ce qui est impliqué par la simple affirmation, le monde est, les choses sont. Et en un sens, c'est pas tant une défiance donc qu'une manière de montrer que derrière ce que nous prenons donc comme allant de soi, il y a des choses à élaborer. Mais alors, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, maintenant que vous nous avez aidé à comprendre la méthode husserlienne, et si on revient à l'idée de monde, c'est quand même de là que nous sommes partis, et c'est avec cette idée que nous allons essayer de terminer, en tout cas d'essayer de revenir au monde comme le promet Husserl. Si je vous suis donc, Julien Farge, si la conscience est conscience de quelque chose, si l'intentionnalité fait que ma conscience est forcément directement en lien avec une chose, mais alors il n'y a de monde que pour ma conscience. Il y a donc un monde que pour moi qui appréhende ce monde-là. Il n'y a pas un monde en général, il y a mon monde. Comment est-ce que l'idée de monde en général peut encore tenir bon ? Vous avez raison, et il y a plusieurs niveaux et plusieurs strates de problèmes dans ce que vous venez d'indiquer. Tout d'abord, il y a la thèse que Husserl soutient, défend et justifie à longueur de temps, à partir, disons, des premières années du XXe siècle, qui est que c'est dans la conscience, dans les vécus qui sont les nôtres, dans les structures de l'expérience que nous faisons, en quelque sorte, que prend consistance pour nous ce que nous appelons les choses, le monde, et auquel nous avons tendance à attribuer l'être. Et donc, pour le dire de façon un peu plus technique, philosophiquement, Husserl, à partir de 1907, défend et assume une position qu'il appelle idéaliste, c'est-à-dire la thèse selon laquelle l'être du monde, l'être des objets, n'est pas indépendant de la conscience ou des vécus de celui qui s'y rapporte. Inverse, il faut plutôt considérer les choses dans l'autre sens, c'est à travers mon expérience que prend consistance, que prend sens pour moi ce que j'appelle le monde, les objets, autrui, etc. Donc alors, il n'y a de monde que pour moi. Alors ça, oui, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, pour moi. Ça veut dire celui que qui dit cette phrase. Il y a un monde et quelque chose est une formule qui a un sens uniquement à partir de l'expérience que j'en fais. Ou ailleurs que dans mon expérience, quelque chose comme un monde pourrait bien... Il n'y a pas de monde en soi. ...avoir lieu. C'est-à-dire que... un discours sur l'être du monde indépendamment de l'expérience est quelque chose qui n'a pas à proprement parler de sens, puisque c'est dans mon expérience que l'ilia du monde, en quelque sorte, prend chair, prend corps pour moi. Alors ça ne veut pas dire que nous créons le monde, ça ne veut pas dire que le monde est une illusion, ça veut dire que le sens qu'a le monde pour moi ne peut pas prendre corps, en quelque sorte, comme le dit Husserl, se constituer autrement que comme corréla, dit-il, c'est-à-dire comme ce à quoi se rapporte, comme corréla de mes vécus et de mes expériences. Voilà la thèse idéaliste. Alors, il faut être honnête, c'est une thèse philosophique forte, lourde, et que la plupart des disciples et des successeurs de Husserl rejetteront. Cette thèse selon laquelle c'est dans l'intériorité pure d'une conscience intentionnelle que se constitue l'être et le sens d'être des objets, cette thèse idéaliste qui rapporte, comme vous le voyez, le sens d'être des choses, le sens d'être du monde à des structures subjectives d'expérience, à des structures intentionnelles. Cette thèse-là, elle sera rejetée sous toute forme, et bien pratiquement sous autant de formes qu'il y aura de disciples de Husserl. Par exemple, si on parle de Maurice Merleau-Ponty, qui a hérité notamment du travail d'Husserl, parmi d'autres, lui-même dira que nous sommes pris dans le tissu du monde. Voilà, alors... Ce qui est délicat, c'est que Husserl aussi assume cela. Parce que la question est de savoir ce qu'il y a derrière ce « nous ». Parce que pour Husserl, si vous voulez, cette fameuse conscience dans les vécus de laquelle se constitue ce que nous appelons le monde et ses objets, n'est pas en quelque sorte mon intériorité psychologique personnelle, ni la vôtre, ni celle de... Ce n'est pas une conscience psychologique, c'est ce que Husserl appelle une conscience pure. C'est-à-dire qu'il cherche à dégager en fait les structures de l'expérience qui sont en jeu, si je puis dire, lorsque chacun d'entre nous faisons l'expérience de quelque chose. Et ces structures, elles sont celles de tout le monde, mais de personne en particulier, ce sont des structures de ce qu'il appelle un sujet pur. Alors ce sujet pur, en effet, puisqu'il est celui dans l'expérience duquel ou dans les vécus duquel se constitue un objet ou se constitue quelque chose comme un monde, comme ce sujet pur n'est pas lui-même en quelque sorte un ingrédient du monde, il est hors monde. Mais d'un autre côté, Husserl sait très bien que nous vivons dans le monde, que nous, cette fois-ci comme humain psychique, comme citoyen, comme ami, comme... nous vivons tous dans des structures de monde. Simplement, il faut apprendre à faire la différence entre ce « je » qui fait partie de l'étoffe du monde, la personne que je suis, le sujet incarné que je suis, et ce « je » pur, ce « moi » pur, c'est-à-dire en fait les structures d'expérience qui sont les miennes, corrélativement auxquelles le monde prend sa consistance. On aurait envie de demander à Husserl, d'ailleurs je vais le faire en m'adressant à vous, Julien Farge, c'est vous qui êtes là ce matin, pourquoi maintenir même cette distinction entre le sujet et le monde finalement ? Est-ce que ce n'est pas l'idée même de monde qui n'a plus de sens ? Alors, pourquoi la maintenir ? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas prétendre rendre raison, ou plutôt décrire ce que signifie le monde en vous installant, en quelque sorte, sur le sol du monde. Et le problème, c'est que quand vous vous installez dans une subjectivité de type psychologique, moi, avec mon intériorité psychique particulière, moi, telle ou telle personne, ou tel ou tel sujet incarné, vous vous installez dans un secteur. Non, mais à l'inverse, on pourrait se mettre du côté du monde. C'est l'idée même de moi qui n'a plus de sens. S'il n'y a de monde que pour moi, si le monde, si la conscience est conscience que de quelque chose et que ce quelque chose, eh bien, n'appartient qu'à la conscience que j'en ai, bah, finalement, c'est l'idée même de moi et de monde qui sont. Oui, qui sont dissous. Je vous rejoins. Envisager les choses ainsi, c'est possible. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est ce que fait Husserl, parce qu'en définitive, ce qu'il cherche à montrer, ce qu'il soutient, il le dit dans ses derniers ouvrages. Il cherche à faire valoir ce qu'il appelle l'a priori universel de la corrélation. Et derrière cette expression technique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui est ultimement l'objet de la description philosophique et phénoménologique, ce qui est ultimement l'objet du philosophe, c'est de décrire l'inséparabilité entre conscience et monde. En réalité, ouais. La thèse, qui peut paraître une évidence, mais c'est une évidence gagnée, si vous voulez, contre les pseudo-évidences de l'attitude naturelle, ou reconquise, c'est la thèse selon laquelle, finalement, être un sujet, c'est avoir un monde. Ou bien qu'il y ait un monde, c'est quelque chose qui est inséparable, en quelque sorte, de la mise en évidence de structures subjectives. Y a-t-il pas un paradoxe, et on terminera là-dessus, Julien Farge, entre le projet de la phénoménologie qui est de ressaisir le vécu même dans le projet philosophique, dans la théorie philosophique, et la grande complexité quand même de cette théorie qu'on met du temps à expliquer, comme si elle nous éloignait de l'expérience qui était par ailleurs appelée des vœux du philosophe. Si, vous avez raison, c'est quelque chose qui peut à la fois qui embarrasser Husserl et qui peut aussi embarrasser, voire agacer d'ailleurs le lecteur, c'est l'écart ou le décalage qu'il y a entre l'évidence de la maxime du retour aux choses mêmes, et puis d'ailleurs ce qu'elle signifie, et d'un autre côté la complexité de ce qu'il y a à décrire, la moindre de nos expériences, la moindre expérience d'objet, la moindre expérience de choses, la moindre expérience d'un rapport simple que j'entretiens avec autrui, ouvre pour le phénoménologue une série de descriptions extrêmement complexes et qui exigent qu'on aiguise, pour reprendre la métaphore, des outils descriptifs extrêmement complexes. Alors c'est inévitable, il s'agit d'être à la hauteur, être fidèle à la complexité même de l'expérience. Et d'une certaine manière, c'est ça que Husserl veut faire réapparaître ou veut mettre en évidence. Difficulté avouée, à moitié pardonnée. Vraiment phénoménal, c'est Philippe Catherine qui le dit et on l'applique à Husserl cette semaine. Le phénomène Husserl nous accompagnera jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Julien Farge d'être venu nous en parler. Merci à vous. Ce matin, c'était un plaisir de commencer cette semaine avec vous. Je rappelle que vous publiez aux éditions Vrin avec Marie-Hélène Demeul, Normativité, déconstruction, digression sur les leçons, dans les leçons sur l'éthique de 1920, donc aux éditions Vrin. On mettra la bibliographie de toute façon en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Lisez, chers auditeurs, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale de Husserl, disponible chez Gallimard. Et de Géraldine, le journal de Géraldine, c'est maintenant sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est 10h, presque 53. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez regardé une émission dont on m'a parlé d'ailleurs, quatre personnes différentes m'en ont parlé, donc j'ai hâte d'attendre votre avis sur le sujet, qui s'appelle Love is Blind. Oui, alors le principe est très clair, des hommes et des femmes se rencontrent et se demandent en mariage sans se voir. L'enjeu est tout aussi clair que l'amour résiste à leur rencontre en chair et en os. En la regardant, je me suis d'ailleurs rendu compte que plusieurs émissions télé fonctionnaient sur le même principe, le fait de ne pas se voir ou de ne pas voir les candidats. Comme si la vision pervertissait de fait le jugement de l'autre. D'où ma question, pourquoi en vouloir autant à nos yeux? Pourquoi vouloir se prémunir de notre vue? I've met the person I want to spend the rest of my life with. I've never seen her before. Here, you will choose someone to marry. Hello. Nice to hear from you. Can't say see ya. Without ever seeing them. If you're ready to find the love of your life, game time. The pods are now open. Vous l'avez compris, cette émission télé Love is Blind repose sur le fait de rendre littéral et de vérifier l'expression bien connue « l'amour est aveugle ». Des hommes et des femmes sont donc invités à se rencontrer sans se voir, seulement en se parlant dans des cellules séparées. Si le courant passe, ils se revoient jusqu'à ce que l'un des deux fasse, non pas la proposition de vraiment se rencontrer, mais carrément une demande en mariage. Après cela, ils se découvrent enfin, partent quelques jours en vacances au Mexique, s'installent ensemble, rencontrent les belles familles, autant d'épreuves réelles avant le grand saut, le mariage. Assez ennuyeuse, je dois dire, l'émission a malgré tout quelque chose de fascinant, mettre en concurrence ce qui est appelé la connexion émotionnelle, je le dis en faisant des guillemets, la vraie, l'authentique, basée sur la parole et la voix, seul accès valable à l'intériorité, et ce qu'ils appellent la connexion physique, basée sur la vue superficielle, qui s'en tient à la seule surface. On peut trouver cette émission ridicule, mais elle a le mérite de sauter le pas, prendre le parti de faire de la vision le symptôme de notre époque fondée sur l'apparence, et de poser le problème. Pourquoi nos yeux voient-ils si mal, et sans passer, nous rendraient-ils lucides ? Jennifer, Mika, Julien, Soprano, vous les coachs, qui allez prendre place dans les mythiques fauteuils pour cette nouvelle saison de The Boys. Vous les voix, vous les futurs talents, êtes-vous vraiment prêts? Vous allez vous retrouver seul sur le plateau télé le plus prestigieux de France. Face à vous, un public survolté fera monter la pression. Et si vous avez le talent, la voix? Les quatre fauteuils de nos coachs se retourneront. Le préjugé n'est pas nouveau, nos yeux, premier moyen de perception du monde extérieur, seraient nos sens les plus trompeurs. Dans la connaissance, comme dans l'amour et comme dans l'art, l'émission The Voice fonctionne ainsi sur le même principe, juger une performance sans voir la personne qui l'accomplit. On retrouve le même présupposé, non seulement l'émotion pourrait se passer de notre vue, être indépendante de ce que l'on voit, mais en plus la vue pourrait pervertir notre émotion, elle pourrait la détourner d'un objet vers lequel on se tourne naturellement. On peut partager ce présupposé, on en a tous fait l'expérience, ce que l'on voit peut faire écran au reste. Mais faut-il pour autant neutraliser la vue et se passer de la vision? Ce qui est paradoxal avec ces émissions, c'est qu'elles incriminent la perception tout en lui donnant un pouvoir énorme. Car au final, les participants passent leur temps à se scruter, s'examiner, se jauger, d'autant plus que le sens optique leur manque. Et nous, spectateurs, face à notre écran télé, eh bien nous faisons la même chose et on adore ça. Alors pourquoi condamner la vue tout en ne faisant que regarder, visionner, maté comme on dit. À défaut de se rendre aveugle, ne faut-il pas changer de regard sur le regard? La vue, la perception visuelle, serait-elle forcément trompeuse, superficielle et condamnable? Le grand paradoxe de ces émissions est de condamner la perception visuelle tout en misant sur elle. Mise en scène, moment de la découverte, jugement revu à l'aune du regard. Une des candidates, dit quand même en voyant son élu « Dommage qu'il soit petit, sinon il était parfait ». Mais leur mérite est là, nous révéler l'importance non pas seulement qu'on accorde à la vue en temps normal, mais ce préjugé qu'on partage en creux sur l'authenticité. Celle-ci échapperait forcément au regard. L'intériorité ne serait pas accessible d'un coup d'œil. On pourrait se dire qu'on doit éduquer le regard, le rendre plus lucide, plus voyant, mais on pourrait aussi éduquer notre idée de l'intériorité. Et si celle-ci n'existait pas, et si elle était en fait très visible? Mais Julien Farge, c'est une émission husserlienne. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en écoutant cette chronique. Tout à fait, on n'a pas quitté la question de la phénoménologie et de savoir ce que nos yeux voient quand ils disent ce qu'ils voient, quand dit ce qu'ils voient. Regardez Love is Blind. Alors voilà, Géraldine, merci pour avoir bouclé cette boucle husserlienne avec brio. Et puis on peut réécouter votre chronique en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Salle avec Isis Jourda, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Lou Quevauvillier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Sylvain Latu. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Husserl, le phénomène. Demain, on se rend en compagnie de la philosophe Nathalie Desprats. On se demandera quelle place pour autrui dans le monde dont nous avons parlé ce matin, Julien Farge. Où es-tu mon alter? Où es-tu mon ego? Vous entendez Juliette Armanet? Ben, en fait, c'est Husserl. Vous aurez plus d'informations demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h, pour la suite de Husserl. D'ici là, Restez à l'écoute sur France Culture.